بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On est arrivé à la parole de l'auteur rahimahullah, le chapitre concernant celui qui recherche la guidée à travers autre que le Coran. Chapitre relativement long. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, la parole d'Allah le Très-Haut, quiconque se détourne du rappel du Tout Miséricordieux, nous lui désignons un diable. Nous lui désignons un diable. En fait, ici l'auteur il nous montre le début du verset. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit wa man ya'shu an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Nous lui désignons un diable qui sera son allié, son qarin, celui qui ne va pas le lâcher. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Et c'est à ceux-ci, donc ces diables-là, il leur barre la voie qui mène à, ou du moins il les prive, il les empêche d'accéder à la voie, c'est-à-dire la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et pourtant ceux-ci être bien, ils pensent être bien guidés. Et donc celui qui cherche, celui qui se détourne du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, la sanction c'est que Allah azza wa jal lui accorde un qarin. Un qarin c'est un diable qui ne va pas le lâcher. Un diable qui sera avec lui et qui va l'égarer. Un diable qui va l'éloigner du sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette personne pensera être bien guidée. Et donc la personne qui recherche la guidée dans autre que le Coran, sa sanction est qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde un diable qui lui ordonne de faire le mal et lui interdit de faire le bien. Et cette personne pensera être bien guidée. Et cette personne, si elle pense être bien guidée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle pense que ceux qui sont bien guidés sont dans l'égarement. Donc pour elle, pour cette personne-là, quand elle va voir les gens qui suivent le Coran, ils disent, eh non, eux c'est des extrémistes. Tu suis la sunna, extrémiste. Extrémiste. Tout ce que tu fais qui est dans le Coran ou la sunna, extrémiste. Et ces gens-là pensent qu'ils sont bien guidés. Et c'est ça la maladie, c'est ça le problème. C'est qu'ils ont recherché la guider dans autre que le Coran. Ils ont recherché la guider dans autre que le Coran. La sanction, c'est celle-là. Et ils vont se retrouver à critiquer le Coran et la Sunna. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Voilà pourquoi chacun d'entre nous, c'est important de lire le Coran et de rechercher la guider dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. L'auteur qui nous dit, « Et la parole du Très-Haut, nous avons fait descendre sur toi le livre en tant qu'éclaircissement pour toute chose. » Subhanallah. Un livre en tant qu'éclaircissement pour toute chose. Et ensuite, après cela, il nous dit, tabaraka wa ta'ala, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً. En tant qu'éclaircissement pour toute chose, et aussi une guidée et une miséricorde, وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ, et une bonne nouvelle pour les musulmans, pour ceux qui sont soumis. Et donc à partir du moment où Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sur son prophète un livre comme ça, un livre qui a dans lequel tout est éclairci, que c'est une guidée, c'est une miséricorde, une bonne nouvelle pour les croyants. Comment est-ce qu'on va rechercher la guidée dans un autre livre? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et donc cette personne qui va se détourner du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle s'expose à une sanction terrible. Et la personne qui recherche la guider dans autre que le Coran, sa sanction, c'est qu'elle a, comme on a dit, on a toujours dit les frères, la sanction est du même genre que l'œuvre. Elle a recherché la guider dans autre que le Coran, sa sanction, c'est qu'elle a l'égarement. Tout simplement. Tu as voulu avoir la guider dans autre chose que le Coran, ta sanction, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, elle t'accorde l'égarement. Allah Azza wa Jal qui dit dans son livre, وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ Fela yadillu wa la yashqa. Donc la sourate 20, Taha, et le verset 123. Et donc celui qui suit ma guidée, donc le Coran, ce que j'ai fait descendre, puisque Allah il a fait descendre son Coran comme guide. Ensuite il nous dit celui, yarhamukallah, il nous dit celui qui suit ma guidée, fala yadillu, alors il ne va pas s'égarer, wala yashqa, il ne sera pas malheureux. Et donc on comprend quoi de ça? Que celui qui ne suit pas ma guidée, il va s'égarer et sera malheureux. Donc il est important, au fikoum, que yarhamukallah, la guidée, on la recherche à travers le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, d'après Zayd ibn Arqam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a fait un sermon près d'une étendue d'eau appelée Kham. Il a alors loué Allah, a fait ses éloges, a sermonné et a fait le rappel, puis a dit, ceci étant dit, ô gens, je ne suis qu'un être humain comme vous. Donc déjà, premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'il est un être humain, il ne mérite pas l'adoration. Dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, « Kul innama ana basharum mislukum, yuha ilayya annama ilahukum, ilahun wahid » dit, « Certes, je suis un être humain comme vous. Il m'est fait révélation que votre divinité est une divinité unique. » Et donc ici, dans ce verset de Surat al-Kahf, à la fin de Surat al-Kahf, ici, la différence qu'il y a entre nous et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que lui, il lui est fait révélation. Aussi, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans Surat Ali Imran, la Surat 3, le verset 144, « Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum, wa man yanqalib ala aqibayhi fala yadurra Allah shay'an. » Et certes, Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. S'il venait à mourir ou à être tué, est-ce que vous allez vous retourner sur vos pas? Et certes, celui qui se retourne sur ses pas ne fera du mal qu'à lui-même. Et donc ici, on comprend, barakallahu fikoum, qu'on n'a pas le droit d'exagérer concernant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est qu'un messager, on n'a pas le droit de l'élever au rang de divinité. Et donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous dit, je ne suis qu'un être humain comme vous, un messager venant de mon Seigneur est sur le point de venir. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? L'ange de la mort. Barakallahu fik. Un messager venant de mon Seigneur est sur le point de mourir, est sur le point de venir. Et il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, et je lui répondrai. Il va venir pour la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète va répondre. Je vous ai certes laissé deux lourds dépôts. Allahu Akbar. Le premier d'entre eux est le livre d'Allah. Il contient la guidée et la lumière. Prenez donc le livre d'Allah et accrochez-vous-y. Et donc le Coran, barakallahu fik, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il nous a laissé deux lourds dépôts. Pourquoi lourd? Les savants, ils nous disent lourd parce que c'est un sujet important. Il est important, il est lourd. Inna senulqi alayka qawlan thaqila. Certes, nous allons faire descendre sur toi une parole lourde. Il nous dit, tabaraka wa ta'ala, il dit à son prophète dans Surat Al-Muzammil, la sourate 73, le verset 5. Et donc lourd parce que c'est une parole qui est extrêmement importante. Et aussi lourd, pourquoi? Parce que c'est difficile d'œuvrer avec. C'est pas facile. Il faut patienter, toutes ses prières, etc. Faire toutes ses obligations, délaisser les interdits. C'est pas facile. Et donc, barakallahu fikoum, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc annoncé que ce Coran est un dépôt, un lourd dépôt qui nous a été confié. Et donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, le livre d'Allah, il contient la guidée, la lumière. Il contient la guidée, la lumière. Allah Azza wa Jal, plusieurs fois je vous ai dit les frères, Allah Azza wa Jal, il a fait descendre sur nous, il a fait descendre sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette lumière. Comme il l'a dit clairement dans son livre, il dit Tabaraka wa ta'ala Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Par celui-ci, Allah Tabaraka wa ta'ala, il guide ceux qui ont suivi donc sa satisfaction, il les guide vers les voies de la paix, les voies du salut. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhni. Et il les guide, il les fait sortir de l'obscurité vers la lumière par sa volonté. Wa yahdihim ila siratin mustaqim. Et il les guide vers une voie de rectitude. Sourate 5, Al-Maïda, le verset 16. À partir du moment où tu lis ce verset, comment est-ce que tu peux délaisser ce livre? Billahi alaykoum les frères, comment est-ce que tu peux délaisser ce livre lorsque tu vois l'importance de celui-ci? Est-ce qu'on veut tout le temps rester dans l'obscurité? On est là dans le noir, et en fait ça nous plaît d'être dans le noir. Ça nous plaît d'être dans le noir, dans l'égarement. Si tu ne lis pas le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, comment veux-tu être bien guidé? Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous ordonne, il nous dit prenez-le donc. Prenez donc le livre d'Allah et accrochez-vous-y. Ça veut dire quoi ça? Accrochez-vous-y. Tu ne dois pas le lâcher frère, tu dois t'accrocher à celui-ci. C'est pas juste le lire, mais c'est t'accrocher à lui. Y mordre à pleines dents. Parce que c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses autour qui te poussent à le lâcher. Voilà pourquoi il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, accrochez-vous-y. Parce qu'il sait qu'il y a énormément d'éléments autour de nous qui nous poussent à délaisser ce livre. Premièrement, tes occupations de la journée. On ne parle même pas des ennemis d'Allah qui veulent, on parle de toi-même. Juste tes occupations à toi te poussent à délaisser le Coran. J'ai pas le temps, le travail, ma famille, si, mes bêtes, mes plantes, fini. 24 heures sont passées. Pas le temps. Il a alors appelé au livre d'Allah et a encouragé à s'y cramponner. Puis il dit, et les gens de ma famille, je vous fais le rappel d'Allah concernant les gens de ma famille. Dans une autre narration, l'un d'entre eux est le livre d'Allah. Il est le câble d'Allah. Celui qui le suit est sur la guidée, mais celui qui le délaisse est dans l'égarement, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, rahimahullah. Et donc ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'ordre de nous accrocher à ce livre. Allah Azza wa Jal qui nous dit dans son livre « Wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma ataynakum bi quwwatin » On a déjà vu ce verset de Sourate Al-Baqarah, les frères. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui s'adresse donc aux gens du livre et qui dit « Et lorsque nous avons pris votre engagement, nous avons donc fait placer au-dessus de vous Et-Tour, la montagne, et que nous vous avons ordonné, prenez fermement ce que nous vous avons donné. Khudhuma ataynakum bikuwa. Prenez-le fermement, ne prends pas ce qu'on t'a donné faiblement. Ne prends pas faiblement le livre d'Allah. Mais prends-le fermement, avec fermeté, ne le lâche pas. Parce que c'est difficile, il y a beaucoup d'ambiguïté, les gens te regardent bizarrement. Oh, il est bizarre lui, qu'est-ce qu'il a de bizarre? Il applique le livre d'Allah. Qu'est-ce qu'il a de bizarre? Il applique le livre d'Allah. C'est un ist, extrémiste, tous les mots qui finissent par ist. Pourquoi? Et donc Allah Tabaraka wa Ta'ala leur a ordonné de prendre son livre avec fermeté. Et il dit Wazkuru ma fi, c'est-à-dire et étudier ce qu'il contient. Tu n'as pas le droit de rester comme cela et tu n'étudies pas ce qu'il y a dans le livre d'Allah. Wazkuru ma fi, étudier ce qu'il y a dedans. afin que vous atteigniez la piété. Les frères, on n'a pas le droit de rester comme cela sans chercher à étudier le livre là-bas. Il est là. Ouais, Allah, il a fait 200 livres. C'est quoi? Il s'appelle le Coran. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Allahu alam. Il y a 600 pages à peu près. Il y a plein de sourates. Alhamdoulilah, c'est tout ce que je sais. Ouais, ça c'est au début, quand tu viens de te convertir ou quand tu viens de comprendre que il faut que tu te mettes dans la religion, peut-être, mais après, avec les jours. Normalement, chaque jour, tu apprends un petit peu plus chaque jour. Tu ne dors pas, tu ne vas pas dormir à chaque fois avec les mêmes connaissances. Et donc, c'est important que tous les soirs, on ait appris plus que ce qu'on savait la veille. C'est important, c'est le livre de notre Seigneur. Tu veux la guider. Et il fut dit, donc, la'allakum tattaqoun, on a deux interprétations. La'allakum tattaqoun, on a déjà vu ça, les frères. Donc, il se peut que ce qui soit voulu ici, c'est afin que vous atteigniez la piété. Ou alors, afin que vous soyez préservés du feu. La'allakum tattaqoun an-nar. Et donc, si tu veux être préservé du feu, qu'est-ce que tu dois faire? Étudier ce qu'il y a dans le livre d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Et donc, le Coran est le câble d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. C'est le câble d'Allah, celui vers lequel nous devons revenir lorsqu'il y a une divergence. Il dit tabaraka wa ta'ala wa a'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Accrochez-vous pleinement au câble, accrochez-vous tous et réunissez-vous au câble d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne vous divisez pas. Ne vous divisez pas. Et donc le Coran c'est le câble d'Allah comme le prophète il l'a cité. Nous devons donc nous accrocher à ce livre. Lorsque certaines personnes parfois vous nous appelez à l'union. Oui, on doit s'unir, c'est vrai, nous devons nous unir. Nous ne devons pas nous diviser. Mais est-ce que cela veut dire qu'on doit s'unir sur n'importe quoi? On doit s'unir avec les sorciers, on doit s'unir avec les menteurs, on doit s'unir avec les voleurs, on doit s'unir avec les dealers, on doit s'unir avec les terroristes, on doit s'unir avec les soufis. On s'unit avec tout le monde en fait. Non, c'est pas ça. Allah il nous dit wa tasimu bihablillahi jami'an. Accrochez-vous tous au livre d'Allah. Voilà ce sur quoi nous devons nous unir. Pas sur n'importe quoi. C'est sur le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on comprend de ce verset que le fait de délaisser le livre d'Allah, c'est ça qui entraîne la divergence dans la communauté. Comment est venue la division de la communauté? C'est lorsque on s'est éloigné du livre d'Allah. Lorsque un il est venu avec une idée à droite, l'autre est venu avec une idée de l'autre côté, un autre est venu avec un autre truc. Et c'est ça qui a entraîné la division de la communauté musulmane. Et donc, si nous voulons l'union de la communauté musulmane, nous devons revenir vers le livre d'Allah. Et pour revenir vers le livre d'Allah, il faut le lire, l'étudier et l'appliquer. Et il y a aussi clairement dans ce hadith la parole claire du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui ne prend pas le livre d'Allah, il est dans un égarement. Il est dans un égarement. Et ceci, lorsqu'il dit « Il est le câble d'Allah, celui qui le suit est sur la guidée, mais celui qui le délaisse est dans l'égarement. » À la fin du hadith, le dernier mot. « Celui qui le délaisse est dans l'égarement. » Ensuite, il nous dit l'auteur, rahimahullah, et il rapporte aussi, donc c'est-à-dire Muslim, l'imam Muslim rapporte aussi, selon Jabir, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disait lors de ses sermons, ceci étant dit, la meilleure des paroles est le livre d'Allah, et la meilleure des guidées est celle de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et la pire et les pires des choses sont celles qui ont été inventées. Toute innovation est un égarement. Le prophète, il disait ça quand? Khutbah du vendredi. Est-ce qu'il y avait un seul innovateur devant lui? Non. C'était les sahaba qui étaient devant lui. Il n'y avait pas un seul innovateur. Chaque vendredi, il leur répétait ça. Ou presque chaque vendredi. Il leur répétait ça. Pourtant, il n'y avait pas d'innovateur. pour nous montrer le danger qu'il y a dans l'innovation et le fait que nous devons nous méfier de cela. Aujourd'hui, les gens font des innovations dans tout. La salade, la zakat, hein, zakat al-fitr à la fin de Ramadan, le Eid, le jour du Eid même, les mariages, les divorces, des innovations dans tous les sens. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela. Et donc, dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un point très important lorsqu'il nous dit que la meilleure des paroles est le livre d'Allah. La meilleure des paroles est le livre d'Allah. Pose-toi cette question. Si tu crois fermement que la meilleure des paroles est le livre d'Allah, est-ce que tu trouves qu'il est convenable que tu ne cherches pas à le comprendre? C'est pas convenable. Si tu crois fermement que la meilleure des paroles est le livre d'Allah, est-ce qu'il est convenable de le délaisser pour aller chercher d'autres paroles? C'est pas convenable. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, d'appliquer cela. Lorsqu'on dit que le Coran c'est la meilleure des paroles, ça ne doit pas être que juste une prétention comme cela. Mais il doit y avoir l'application qui va avec. Le prophète il nous dit que les pires des choses, ce sont les innovations. Ce sont les innovations dans la religion. Et donc ici, il nous a cité la meilleure des choses et les pires des choses. Les innovations qui s'opposent à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car elles viennent rajouter des choses dans la religion, des choses que Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas citées dans son livre. Et ceci, il nous montre que toute innovation est un égarement. Et la parole d'Allah, c'est la guidée. C'est le contraire. La parole d'Allah, c'est la guidée. L'innovation, c'est un égarement. La parole d'Allah, c'est la meilleure des paroles. L'innovation, c'est la pire des choses. Comment est-ce qu'après cela, tu peux faire des innovations? Et donc, il faut qu'on médite, les frères, sur la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ainsi que celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On va arrêter là, on va faire une pause, bi'idhnillah ta'ala, et on reprend tout à l'heure, comme ça, on s'assure que tout le monde est concentré, inshallah ta'ala. Wa faqallahu al-jami'a, lima yuhibbuhu wa ardahu, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, jazakumullahu khayran.